une histoire particulière. En avril 2005, des spéléologues amateurs retrouvent les éléments d'un squelette au fond de la grotte de Châteauvert qui surplombe le village de Grès-en-Vercors. Alertés, les gendarmes vont même découvrir en raclant le sol une pipe en bois et un vieux porte-monnaie. À l'intérieur se trouve une pièce de 50 centimes datant de 1913. Cette pièce est le point de départ de l'enquête menée par des gendarmes pour éclaircir un meurtre vieux de 92 ans. C'est ainsi que Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre ont remonté le temps. 1913, le jeune Moutet disparaissait mystérieusement un soir après avoir passé la veillée dans un café de Grèce. Il était accompagné ce soir-là de son ami Léopold de Girard. Ils avaient un autre point commun, ils étaient amoureux de la même jeune femme. L'origine de la bagarre était une femme, Léoncie. Pour les beaux yeux de Léoncie. Moi, je me rappelle la couleur de ses yeux, des yeux bleus. Et parce que quand j'étais gamine, c'était la première chose que je remarquais dans un visage, la couleur des yeux. Et donc, j'ai demandé si Léoncie... Moi, je ne me rappelle pas. Ma cousine m'a dit qu'elle n'avait pas les yeux bleus. Elle avait les yeux clairs, mais plutôt gris. Pour les beaux yeux de Léoncie, Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Journal du gendarme Auguste Cuchet. Mémoire écrite en 1937. Je suis né à Grèce, là-haut, presque sous le Vémont. J'ai vécu les belles années de ma jeunesse et je n'ai quitté la localité que pour satisfaire aux exigences de la vie. J'y ai laissé des parents et beaucoup d'amis, dont quelques-uns m'ont témoigné une amitié constante et fidèle. La plupart ont disparu à tous les âges et dorment dans le cimetière du village. La surface de la commune dépasse 8000 hectares. L'altitude moyenne de ces hameaux est de 1230 mètres, d'où un climat fort rude. Au sujet de sa situation géographique, aucun la situe dans le Vercors, d'autres dans le Trièves. J'estime que les uns et les autres se trompent. Le plus souvent, il est admis que les régions sont délimitées par le partage des eaux. Or, mon humble avis est que le Vercors est délimité par la chaîne de montagnes allant du Vémont à la Moucherolles et que le Trièves ne dépasse pas le col du Faux. À la rigueur, laissons au Vercors la grande montagne de Grèce dont les eaux vont à la Bourne. Au Trièves, les villages de Chauplane et de la Bâtie qui envoient leurs eaux à l'Hébron et arrêtons-nous là. Tout cela n'a d'ailleurs qu'une importance très secondaire. Car si même son territoire n'appartenait à aucun de ses périmètres, la commune ne serait pas en mesure de se constituer en république indépendante. J'ai servi pendant plus de 26 ans, dont 23 comme chef de brigade dans l'arme de la gendarmerie. 1912-1913. Le jeune Moutet, employé à la fruitière, disparaissait mystérieusement un soir après avoir passé la veillée dans un café à Grèce. Je ne reviens pas sur les détails que tout le monde connaît mieux que moi. Plus tard, un parent de la victime me faisait part de son mécontentement envers l'autorité locale, qui l'accusait de négligence. Elle n'a fait faire, me disait-il, aucune recherche lorsque la disparition lui a été signalée et elle a prévenu la gendarmerie beaucoup trop tard. Si des recherches minutieuses avaient été faites le lendemain, il y avait quelque chance de découvrir des indices du crime. 3 jours après, il était trop tard. Il est à remarquer que la tardive intervention de l'autorité locale avait droit à de larges circonstances atténuantes. Pas plus que le public. Elle ne croyait à la possibilité d'un crime, mais à une simple fugue, pourtant inexplicable. J'ignore si, par la suite, l'autorité a fait ce qui était de son devoir. Aujourd'hui, toute chance de découverte du drame a disparu avec le décès de tout ce connu qui avait été mêlé. Et peut-être aussi de celui du meurtrier. J'ai pu entendre la belle-fille de cette Léoncie. Lieutenant Charbonnel, directeur de l'enquête à l'époque. Donc on évoque le nom, on évoque le prénom, mais elle ne voulait pas, la belle-fille en 2005 ne voulait pas qu'on détermine l'identité de Léoncie qui a été toute sa vie durant meurtrie par cette affaire. Il faut savoir que tout le monde est plus ou moins de famille dans ces villages-là. Il faut recontextualiser. On est aux portes de la Première Guerre mondiale, on est en novembre de 1913. En août 14, la guerre va se déclarer. Tout le monde braconne un petit peu. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait des ours encore dans le Vercors. Donc tout le monde braconnait les ours, qui se sont éteints d'ailleurs en 1935, pour la petite histoire. Mais tout le monde chassait, tout le monde... les choses ne se disaient pas, il y avait une sorte d'omerta. Donc dans ce contexte assez dur de l'époque, eh bien, les gens étaient durs, hein, physiquement, durs au moral, hein, c'était des gens très introvertis, gays mais très introvertis, et ils n'ébruitaient pas beaucoup de choses. C'est pour ça que la gendarmerie a été tardivement prévenue. Et l'origine, c'était qu'en fait, Monsieur Léopold et Monsieur Jean-Henri Moutet étaient tous deux prétendants à cette jeune femme, qui était la mémoire de la belle-fille, d'une beauté incroyable. D'une beauté incroyable, ce sont ces termes, d'une beauté incroyable. Bonjour. Alors Marie-Thérèse Laveau. On est dans la cour de l'école primaire de Grèce-en-Vercors. On a déjà planté le décor du drame. On était à peine en train de parler de la bagarre qui a eu lieu dans ce café. Oui. Pour les bons yeux de Léoncie. Oui, dit-on. Est-ce qu'on pourrait avoir avec vous une image de qui était cette femme? Alors, une image. Je l'ai connue quand j'étais enfant, je suis allée la voir plusieurs fois. Pour nous, c'était une dame aimable, accueillante, agréable, vive de caractère, dit-on. Mais elle n'a jamais abordé, évidemment, le sujet de cette affaire. Elle ne s'est jamais penchée, elle n'a jamais parlé de ses sentiments. Même pas ses filles. Donc, on peut dire que c'était un sujet tabou dans la famille. Mais tout le monde était au courant ? Tout le monde était au courant de l'histoire, hein, mais de ses sentiments à elle, pas du tout. Hein. Vous êtes qui par rapport à elle ? Alors, pour moi, c'est une grande tante. Son histoire... Bon, lui appartient. Hein. Elle a eu une histoire familiale quand même compliquée, marquée par des décès prématurés. En 1938, elle a perdu à la fois son mari et sa fille Solange, qui avait 18 ans, qui était emportée par une septicémie. Alors, paraît-il, elle disait, mais qu'est-ce qui va encore nous arriver ? Mais arrêtons-nous quand même en 1913. Oui. À l'époque, elle a quel âge ? 25 ans. Et elle s'est mariée en 1914. Avec qui ? Louis Mounier. Et elle est allée habiter avec lui à Saint-Michel-les-Portes. Ils ont eu quatre enfants, deux garçons, deux filles. Marie-Thérèse Laveau. Oui. Jean-Henri Moutet disparaît en 1913. Oui. On suppose qu'il était amoureux de Léoncie Bernard. Oui, c'est une supposition. Léopold Girard meurt de pneumonie en 1915. Oui. On suppose qu'il était amoureux de Léoncie Bernard. Oui. Et donc Léoncie Bernard, elle se marie en 1914. Oui. Avec quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. Non. En tout cas, en causant avec une cousine âgée, elle a eu 94 ans au mois de septembre, elle va sur ses 95 ans, elle a gardé toute sa mémoire. Elle a habité au Chaumet, dans la maison où est né Léonci. Cette affaire était évoquée, mais sur Léonci, motus bouche cousue. Mais pourquoi ? Parce que, justement, cette cousine dont je parle, me rappelait les codes sociaux, les mentalités. C'était pas convenable de parler de cela. Et elle, quand elle s'est mariée, Léonci, elle a épousé un homme qui était autorisé. C'est pas elle qui l'a choisi ? Point d'interrogation. En tout cas, une fille ne pouvait pas se marier avec un homme qui n'avait pas obtenu l'assentiment des parents. Mais Marie-Thérèse Lavaux, si deux hommes se sont disputés et l'un est mort en 1913, oui, pour les beaux yeux de Léonci qui à l'époque avait 25 ans, oui, est-ce à dire que Léonci était une très belle femme ? Peut-être, peut-être. Vous l'avez vue ? Oui, mais moi je l'ai vue âgée. Comment pouvez-vous imaginer le visage d'une fille à 25 ans ? C'est impossible. On imagine le vôtre, Marie-Thérèse Lavaux. Vous êtes très belle encore à cet âge-là. Ah, donc merci. On imagine comment vous étiez plus jeune. Oui, vous imaginez, mais l'imagination et la réalité ne se rencontrent pas toujours. Vous n'avez pas dans vos mains une photo ? Malheureusement, justement, j'ai demandé à cette cousine et elle a une photo de Léonci avec sa jeune sœur. Et cette photo a été remise dans les mains de Jean-Claude. Donc, c'est un petit-fils de Léonci. Et Jean-Claude est décédé. Donc, qu'est devenue cette photo ? J'en parlais hier au téléphone encore avec cette cousine. Elle me dit, est-ce que c'est une descendante ? On ne sait pas. Parce que Jean-Claude était célibataire. Et que sont devenues ses affaires personnelles ? On ne sait pas. Lieutenant Charbonnel, vous êtes aujourd'hui quelque part en Guyane sur la piste des orpailleurs, dont vous avez quitté Grèce-en-Vercors depuis longtemps. Est-ce que vous avez vu une photo de Léonci Bernard que vous pourriez nous décrire et que vous avez gardée en mémoire là-bas, quelque part en Guyane ? Malheureusement, non. Non. Comme je vous l'ai évoqué, la belle-fille de Léonci ne voulait transmettre aucun détail sur la vie passée de sa belle-mère, qui est morte quasiment dans ses bras et qui a revendiqué avant de son trépas cette histoire malheureuse qui l'a meurtrie énormément, puisque Léonci a eu deux enfants, deux garçons, qu'elle a appelés successivement Jean et le suivant Henri. Et ce détail m'a poussé à aller chercher à l'état civil exactement les dates de naissance pour vérifier par rapport à la date aménorée de savoir si cette femme-là n'était pas enceinte de l'un ou de l'autre. Et il se trouve qu'en fait, lorsqu'elle va apprendre quelques jours après la disparition de Jean-Henri Moutet, elle va disparaître de Monesse-Clermont, elle va aller dans le sud Vercors et se faire oublier de toute sa famille. Meurtrie qu'elle a été de cette disparition. Par la bêtise de l'alcool et puis la bêtise de cette rivalité qu'il y avait entre ces deux hommes. Donc ce que vous nous dites, c'est que peut-être Léonci était enceinte d'un de ses prétendants. L'un va disparaître en 1913, c'est Jean-Henri Moutet. L'autre va mourir en 1915, c'est Léopold de Girard. Mais en 1914, Léonci Bernard épouse un troisième homme qui va devenir son mari, lui-même mourant en 1938. Tout à fait. Et la vérification, on va dire, de cette suspicion de naissance liée à la disparition ne correspond pas à un mois près. Donc on peut déterminer que le fils aîné, Jean, n'était pas très certainement du disparu ou de Léopold. Mais on pense que c'est plutôt du disparu, Jean-Henri Moutet. Et donc elle s'est mise avec un troisième homme, comme vous dites, et a refait totalement sa vie. Moi, quand je l'ai connue, c'était une dame âgée. C'était dans les années 50. Quand on allait la voir, elle nous offrait le café, les petits gâteaux. elle était très agréable. Mais bon, moi, à cette époque-là, j'ignorais même cette histoire. L'histoire de Léoncie, elle appartient à un passé qui est inconnu. Mais ça ne vous a pas fait rêver, cette histoire ? Si, bien sûr. Si. Et on peut tout imaginer. Mais elle a eu une histoire familiale, on peut dire, sans problème. Une fois mariée, 4 enfants, une vie rangée. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur ? Point d'interrogation. Moi, je reste dans les hypothèses. On a la liberté d'imaginer, pas plus. Alors, si vous imaginiez, vous, Marie-Thérèse Vallot, qui aimait-elle, Léopold Girard ou Jean-Henri Moutet ? Je ne sais pas. En tout cas, ma cousine m'a dit il aurait été, même si elle avait aimé ce Léopold, il aurait été impensable que la famille autorise le mariage. Il ne fallait pas d'histoire. Il y avait des rumeurs, peut-être, ou des histoires. Il ne fallait pas aller dans ce sens-là. Marie-Thérèse Lavaux, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Actuellement, je suis retraitée. Mais avant ? J'enseignais l'histoire géo. Tiens donc. Vous voulez tout savoir. Tiens donc. Encore des histoires. Oui. Mais les petites histoires et la grande histoire se marient. Les petites histoires prennent du sens dans la grande histoire. Moi, je ne sépare pas. Tout m'intéresse. Lieutenant Charbonnel, vous êtes donc loin géographiquement de ce territoire, vous avez continué votre carrière. Qu'est-ce que ça vous a fait de vivre cette histoire au plus près, donc de descendre dans la faille, de chercher les ossements, de récupérer le nom de la victime, du coupable, d'identifier la cause de la querelle et aussi d'avoir comme prédécesseur Auguste Cuchet. Est-ce que toute cette histoire aussi, c'est une histoire d'enquête, de rebondissement, et que vous êtes au cœur de ce que vous aimez faire, c'est-à-dire des investigations ? Bah pour résumer, je dirais que tout se sait un jour. La technologie arrive. Là, pour l'heure, on parle de l'ADN, on parle de beaucoup de choses qui n'existaient pas à l'époque. Grâce à l'ADN et puis notre technique d'investigation, c'est-à-dire de pouvoir progresser maintenant, chose qui n'était pas forcément possible à l'époque, hein, aller dans les entrailles de la Terre ou aller au sommet des montagnes, la gendarmerie maintenant peut et est surtout capable d'investiguer dans tous les domaines, dans les airs, sur terre, en montagne et sous terre. Et ça, c'est la réponse du gendarme. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous émotionnellement ? Alors c'est vrai que vous ne pouvez pas sortir d'une enquête comme celle-ci qui est assez atypique, entre guillemets, je dirais pas intacte, parce que mais c'est impactant quand même moralement parce que il y a plein de choses derrière tout ça. Vous ne pouvez pas ne pas aller jusqu'au bout des investigations, c'est-à-dire il faut donner un nom à ce squelette. Il faut le restituer à sa famille qui en a été meurtrie durant plusieurs générations. Les familles se sont bagarrées jusqu'à la fin, des générations en générations, liées à cette disparition. Il y avait des oppressions psychologiques, il y avait des vengeances, il y avait des vols, des incendies. Hein. Le mois après la disparition, la grange de la famille de Léopold va brûler. Tout ça, c'est indiqué d'ailleurs hein, dans le mémoire du maréchal Léopold, chef Cuchet. À la même époque, éclataient dans la commune deux incendies que l'on supposait dus à la malveillance. Le premier à Euclair, le deuxième détruisait au Chaumet la maison de Jean Girard, Dode. La rumeur publique désignait le même incendiaire, qui, paraît-il, lors du dernier de ces deux sinistres, avait laissé des preuves suffisamment révélatrices. Cette rumeur, elle connaissait aussi les raisons pour lesquelles il ne serait pas inquiété. Non seulement l'officier de police judiciaire, l'autorité locale, le fonctionnaire, mais aussi le simple citoyen sont lourdement coupables lorsque, en ayant les moyens, Il ne dénonce pas l'individu soupçonné de crime ou de délit. À plus forte raison lorsqu'il s'emploie à ce qu'il échappe aux sanctions qu'il mérite. Ils en font ainsi les complices et encouragent les mauvaises actions. Ils auront peut-être droit à un peu de reconnaissance de leur protégé, mais l'opinion publique les jugera sévèrement et n'oubliera jamais. Sans se préoccuper si elle n'a pas de tort, elle aussi. Il y a des impacts psychologiques. Je vous en parle maintenant. Je suis en Guyane depuis le mois de novembre. Je n'ai aucun document sous les yeux. Et je fais tout de mémoire. Et c'est comme si je venais juste de sortir de la faille, de cette fameuse carie, au milieu de cette molaire. C'est comme si j'y étais encore. Marie-Thérèse Laveau, on a fait même pas 5 minutes de route. On est juste au-dessus de Grès-en-Vercors. Oui. Le village, il s'appelle comment ici? Alors, nous sommes dans un hameau qui s'appelle le hameau du Chaumeil. Et nous sommes donc devant la maison, la ferme, où est né Léoncy, ainsi que ses frères et sœurs. Elle a vécu son enfance dans cette maison jusqu'à son mariage avec Louis Mounier. Et elle est partie habiter à Saint-Michel-les-Portes avec son mari, où sont nés 4 enfants de leur mariage. Donc jusqu'en 1914, donc elle était ici. Oui. La vue, là, c'est quoi? Alors nous avons là devant nous une montagne qui s'appelle la montagne du Ménil, où se trouve ce lieu dit Château Vert. Et c'est là, dans une grotte de ces rochers, qu'a été trouvé le squelette de Jean Rimoutet. Un peu plus bas, il y a une habitation qui appartient aux Girard. Mais c'est une autre famille ou c'est la même famille? C'est une autre famille qui porte le nom de Girard. Hein. Ici, c'est la famille dont le patronyme est Bernard. Donc en contrebas, c'est la famille de Léopold de Girard. Donc on voit bien quand même la proximité géographique entre la ferme de Léoncy qui habitait là, oui, et celle de Léopold Girard qui habite à 3 pas. Exact. Et on peut dire aussi que les habitants de ce hameau connaissaient parfaitement la montagne du Ménil. Aujourd'hui, on voit un versant forestier, mais à cette époque-là, c'était des champs qui étaient pâturés. Et les habitants connaissaient la montagne comme ils connaissaient leur hameau. Est-ce que donc Léoncy et Léopold étaient des chaumilloux? C'est cela, ils étaient des chaumilloux. Choux? Chaumilloux. Oui, les choux. Marie-Thérèse Laveau, imaginons que vous êtes Léoncy Bernard. Imaginons. Je peux. Vous descendez ce petit raidillon. À votre droite, oui, un homme vous regarde passer. C'est Léopold. C'est peut-être Léopold, oui. Mais en bas du village, vous attend qui? Oui, Jean-Henri passait. Il était dans les parages, éventuellement. Les rencontres étaient possibles. Mais est-ce que vous les souhaitiez, ces rencontres? Je ne peux pas parler à la place de Léoncy. Nous pouvons imaginer. C'est sûrement très agréable d'être courtisé par deux hommes, mais bon, la fin est trop tragique. Dans une carrière, c'est très rare de pouvoir faire ce genre de cold case, si vous me permettez l'expression, un peu anglophone. Mais c'est surtout qu'en fait, on oublie, on peut, nous autres gens-là, permettre à une famille de retrouver un apaisement qui a traversé plusieurs générations sur 90 ans de questionnements, de tristesse, de pleurs, d'incertitudes. Vous ne pouvez pas ne pas aller jusqu'au bout des investigations, c'est-à-dire il faut donner un nom à ce squelette. Il faut le restituer à sa famille. Il y a une inhumation dans mon bureau, avec toute la famille tout autour. Et religieusement, tout a été positionné au fond de cette caisse avec des pleurs. Il il faut imaginer, il y a eu un énorme impact au point même que le grand-oncle du disparu, sur l'épitaphe de sa tombe, demandera à ce que son neveu apparaisse pour qu'il ait un lieu de recueillement au niveau de la famille. Marie-Thérèse Lavaux, on a repris la voiture. Et on a fait 11 km dans une route un peu à lacets pour arriver dans quel village ? Alors, nous sommes arrivés au village qui s'appelle Saint-Michel-les-Portes. Et se trouve là le cimetière où est enterré Léoncy. Marie-Thérèse, dans l'allée principale de ce petit cimetière qui compte 5 rangées, on a une stèle. Et tout de suite, en bas à gauche, qu'est-ce qu'on lit ? Léoncy Mounier, né Bernard, 1889-1980. Elle a épousé Louis Mounier, ancien combattant, 1878-1938. Et entre le nom du mari et le sien, il y a celui de leur fille Solange, qui est décédée en 1938, à l'âge de 18 ans. Léoncy Mounier, 1980. Nous avons confirmation de la date de son décès, à l'âge de 91 ans. Elle a eu une longue vie. Et donc, pas de photos ? Non, il faudrait faire des recherches pour retrouver cette photo où elle est avec sa petite sœur Louise. Mais il faut du temps pour chercher. Ça vous fait quoi d'être là ? Oui, je pense à elle. Je pense au temps qui passe très vite, de plus en plus vite. Et bon, les sentiments ne vieillissent pas. On peut retrouver les personnes qui restent vivantes dans notre cœur. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Marie-Thérèse Lavaux ? Ah ben oui. Je vais avoir en 2020 78 ans. Et au-dessus, si on lève les yeux, au-delà de ce cimetière, qu'est-ce qu'il y a ? La montagne qui nous sépare de la haute vallée de la Grèce. Nous voyons le Vémont aussi, qui est le sommet culminant du massif du Vercors. Donc le territoire de Léoncy, c'était en fait quelques kilomètres dans cette vallée ? Oui, oui. À proximité, oui. Elle ne s'est pas éloignée beaucoup. Pour les beaux yeux de Léoncy, avec Marie-Thérèse Lavaux et le lieutenant Charbonnel. Extrait du journal d'Auguste Cuchet, dit par Daniel Königsberg. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 sur les traces d'une star déchue. Mais c'est une autre histoire.